sous sa grosse peupard. Les yeux tic fast, il marche dans les wads, il t-star un métronome killer. L'heure de la pendule, c'est pas ça qui lui pose problème. Il compose, pose les bases et connaît bien le domaine. Mène le score 67-0. Le frérot shooté, sort le bon numéro. C'est viral, comme la Covid, d'une simple accolade. Et le premier kick snare, c'est comme quand Maradona marque les nucs, se nick net. Le paquebot qui fonce dans la barque, y'a aucune arnaque. Braque les oreilles comme l'arme d'une brigade. Oh les mains, rafle le tout dans une banque de samples pour un don du son de la valeur de la banque de France. Il fronce les sourcils, trace les doigts comme pour commettre un meurtre. Va mettre plus d'un mètre à la concurrence et voix. Typhon de jeunesse, c'est quoi comme la potion magique. Boucle de manière agile et son esprit s'éloigne. C'est coup marque qui découpe. Le pavé dans la barre qui fait déborder les coupes. Tu vas prendre des coups musicaux dans les tympans. Écoute la mélodie grimper. C'est coup marque qui découpe. Le pavé dans la barre qui fait déborder les coupes. Tu vas prendre des coups musicaux dans les tympans. Écoute la mélodie grimper. Prolifique dans la flavor, pas la flemme. Sors les flingues comme Five au Far West. Des snares shoot comme un éclair. C'est pas des balles en mousse, un talent fou. J'te raconte pas des calembours. Tu cales sur ce tempo faiseur, oh oh réveille. Toi, la puissance de feu fait que tu bégayes. Le mec s'exprime avec des instrus, c'est de l'aise. Crime, la pointe de l'épée te blesse. Crime de l'aise majesté. Si tu bouges pas la tête, c'est que t'es paralysé. Ou bien pas réaliste, un de un de test le micro. J'suis bien accompagné, Gomar aux machines et c'est gagné. La bonne équipe marque les paniers et tu repars en panne. Laisse les imitateurs en panne, tu relèves à côté. T'es poids pour Stra, secoue-ci, secoue, prends garde aux secousses. Les bons ingrédients dans ton couscous. C'est Gomar qui démarque, qui découpe. Le pavé dans la mare qui fait déborder les coupes. Tu vas prendre des coups musicaux dans les tympans. Écoute la mélodie grimper. C'est Gomar qui démarque, qui découpe. Le pavé dans la mare qui fait déborder les coupes. Tu vas prendre des coupes musicaux dans les tympans. Écoute la mélodie grimper. C'est bon Gatoumar, Gatoumar, Gatoumar. Tu viens jouer des coups. Te brouiller les coups. On découdrait vous la couler. Thank you.